Les pièces d'Ursus étaient des interludes. Ursus avait fait spécialement pour Gwynplaine un interlude dont il était content, intitulé « Chaos vaincu ». Voici ce que c'était. Un effet de nuit. Au moment où le rideau s'écartait, la foule massée devant la Green Box ne voyait que du noir. Dans ce noir se mouvaient, à l'état reptile, trois formes confuses, un loup, un ours et un homme. Le loup était le loup, Ursus était l'ours, Gwynplaine était l'homme. Le loup et l'ours représentaient les forces féroces de la nature, les fins inconscientes, l'obscurité sauvage, et tous deux se ruaient sur Gwynplaine, et c'était le chaos, combattant l'homme. L'homme avait le dessous. Lutte, cris, hurlements, et tout à coup, silence. Un chant dans l'ombre. Un souffle avait passé. On entendait une voix. Des musiques mystérieuses flottaient, accompagnant ce chant de l'invisible, et subitement, sans qu'on sût d'où ni comment, une blancheur surgissait. Cette blancheur était une lumière. Cette lumière était une femme. Cette femme était l'esprit. Déa, calme, candide, belle, formidable de sérénité et de douceur, apparaissait au centre d'un nimbe, silhouette de clarté dans de l'aurore. La voix, c'était elle. Voix légère, profonde, ineffable. D'invisible faite visible, dans cette aube, elle chantait. On croyait entendre une chanson d'ange ou un hymne d'oiseau. À cette apparition, l'homme, dressé dans un sursaut d'éblouissement, abattait ses deux poings sur les deux brutes terrassées. Et brusquement, un jet de lumière frappait Gwynplaine en pleine face. On voyait dans ses ténèbres le monstre épanoui. Dire la commotion de la foule est impossible. Et même dans la rue, les passants, ceux qui ne voyaient pas, en entendant rire, riaient. Et ce rire s'achevait en battements de mains et en trépignements. Le rideau refermé, on rappelait Gwynplaine avec frénésie. De là, un succès énorme. Ursus ne haïssait point cette œuvre, longtemps couvée par lui. « C'est dans le genre d'un homme Shakespeare, » disait-il avec modestie. La juxtaposition de Déa ajoutait à l'inexprimable effet de Gwynplaine. Pour les spectateurs, l'être sauvé, c'était Gwynplaine, et l'être sauveur, c'était Déa. Et tous les soirs, Déa était prête à pleurer de tendresse pendant qu'on se tordait de rire. Autour d'elle, on n'était que joyeux. Elle était heureuse.